Je commence, Marie? OK. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pedro Gomez et je suis ravi de vous donner la bienvenue à la cinquième séance de notre séminaire Copolis. Alors, Copolis est un projet de recherche qui s'appelle Coproduction sociale de la ville et recherche citoyenne, regard croisé sur les quartiers populaires et précaires en France et au Brésil. C'est donc un projet franco-brésilien, financé par l'Agence nationale de recherche en France et par la FAPESP, son homologue dans l'État de São Paulo au Brésil. Le projet, il met en œuvre, il mène des recherches actions auprès des habitants mobilisés dans des quartiers populaires et précaires. Et en même temps, il mène aussi des analyses sur la manière dont ces collaborations entre universitaires, associations et habitants mobilisés se déroule. Ce séminaire, il est une sorte de chambre de résonance de ce type de collaboration, où soit des membres de l'équipe du projet, soit des partenaires ou des invités viennent présenter leurs travaux, leurs initiatives. Et au long de ces différentes séances, nous explorerons quatre grands types de questions, quatre grandes questions. Les premières sont autour de la genèse et des conditions de développement de ces collaborations. Dans quel cadre elles émergent? Quelle est la nature de la demande sociale ou de la commande qui en est derrière? En gros, la question des motivations. Et après aussi, comment est-ce qu'elles évoluent et se stabilisent ou au contraire, comment est-ce qu'elles se dénouent? Deuxième ensemble de questions sont sur les relations entre les contextes politico-institutionnels et les configurations organisationnelles des pratiques collaboratives. En gros, on s'intéresse à la manière dont les tâches sont réparties au sein du projet, sur la gouvernance mise en place pour la démarche et les mécanismes conçus pour qu'il y ait un équilibre entre les différents acteurs. Un troisième ensemble de questions va se préoccuper de l'organisation et de la circulation des savoirs au sein de ces collaborations et le rôle joué par les acteurs intermédiaires. Là, typiquement, on va être intéressé à la place de la recherche dans l'ensemble de cette démarche-là, le degré d'ouverture du dispositif à la diversité des publics et aussi à la manière dont les savoirs experts des chercheurs font dialogue avec les savoirs profanes, disons, des non-chercheurs. C'est là qu'on interroge la place des acteurs intermédiaires et qu'on pose toute la question des injustices ou de la justice épistémique. Enfin, les dernières questions posent tout simplement qu'est-ce que ces recherches participatives produisent? C'est-à-dire quelle est la légitimité scientifique, sociale et politique de ces recherches, mais aussi qu'est-ce que ces collaborations font pour les habitants mobilisés, en premier lieu. Je vous ai donc fait ce petit topo sur le séminaire, un séminaire que vous avez compris et traduit. Il est bilingue, en traduction simultanée. Aujourd'hui, pour les amis francophones qui m'écoutent en ce moment, il n'y aura pas de gymnastique, de changement d'interprétariat à faire parce que toute la séance se déroulera en français. Mais Élise, João et moi-même assurons au fur et à mesure la traduction vers le portugais pour que nos collègues lusophones puissent suivre le séminaire. Dernier mot pour dire que nous avons une séance du séminaire par mois. Vous êtes tous et toutes inscrits et inscrites, donc vous allez recevoir au fur et à mesure cette information-là. Mais je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 13 avril pour une séance sur le mutirão et sur les pratiques de autogestion et d'autoconstruction dans les quartiers précaires, autoconstruits au Brésil, notamment à São Paulo. Je vais vous passer la parole à Romain Gallard, puisqu'aujourd'hui nous avons une séance de recherche-formation organisée par Appui, qui est un partenaire du projet. Et d'ailleurs, bon, mentionner que Copolis, en tant que projet de recherche participative, a des chercheurs académiques, différents laboratoires en France et au Brésil, mais aussi des partenaires non académiques, associatifs, qui aujourd'hui interviennent. Donc, on aura Appui qui va intervenir, mais aussi Planning de Villeneuve de Grenoble qui se présenteront le moment venu. Romain, je te passe la parole. Merci beaucoup Pedro. Bonjour à toutes et toutes. Je suis Romain Gallard, donc je travaille au sein de l'association Appui. Et par ailleurs, je suis également chercheur au sein du programme de recherche Coppolis, et notamment sur le terrain Grenoble. Donc, comme l'a dit Pedro, ce séminaire, enfin, ce programme de recherche, il implique donc des chercheurs et un public également non-chercheur. Et ce travail, cet objectif, il vise en fait à reconnaître à la fois les différents types de savoirs, qu'ils soient académiques ou plus expérientiels, et il vise également à favoriser le croisement de ces savoirs afin qu'ils soient autant bénéfiques pour la production de la connaissance que de l'action. Dans cette perspective, du coup, cette recherche, elle se veut pleinement engagée et elle confirme sa relation avec les problématiques de nos sociétés contemporaines. Du coup, ce séminaire, parmi d'autres espaces, il se veut un espace de réflexion et d'action dans une perspective du renforcement du pouvoir d'agir des citoyens. Donc, les recherches formations de ce séminaire, elles visent en effet à prolonger cette ambition dans des espaces qui sont en général pleinement occupés par des chercheurs. Et donc, on a cherché à inverser un peu ça et à pouvoir faire intervenir donc, dans ce séminaire des acteurs associatifs qui vont pouvoir, à travers leur présentation, à travers le partage de leur expérience, à la fois alimenter, le domaine de la recherche, mais également réfléchir avec d'autres sur leur action, et notamment se mettre en dialogue avec des spécialistes de la question, mais également d'autres acteurs associatifs ou engagés sur des problématiques qui sont proches. Donc aujourd'hui, on a le plaisir donc d'accueillir deux collectifs qui se sont engagés dans un processus de construction d'un projet alternatif face à un projet de rénovation urbaine. Ces projets de rénovation urbaine qui impliquent démolition et reconstruction d'immeubles d'habitation. Donc, dans un premier temps, on aura le plaisir d'écouter l'association Renaissance des Grous à Fresnes. Et donc, on a avec nous Karima Ben Ali, Célia, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi Célia, et Maxime Poumbrol, qui seront présents aussi. Maxime Poumbrol, qui est membre de l'association Appui et qui a accompagné le collectif Renaissance des Grous. Ensuite, on aura le plaisir d'entendre David Gabriel de l'association Planning et qui est animateur de l'atelier populaire d'urbanisme des Villeneuve, enfin de la Villeneuve de Grenoble, et qui nous partagera l'expérience donc de Grenoble. Enfin, et pour discuter ces deux expériences, on aura le plaisir d'accueillir Khedija Mahmoud, qui est maître de conférence à l'École d'architecture de Montpellier, qui est également chercheuse associée au laboratoire La Vue, qui est donc partenaire du projet, enfin porteur du projet, et qui est également présidente de l'association Appui. Du coup, ensuite, à la suite de ces présentations, on aura l'occasion d'avoir en gros une petite heure pour échanger avec la salle et donc discuter de ces différentes expériences. Voilà, j'en profite tout de suite pour remercier les intervenants à la fois de Renaissance des Grous et de Planning, et également Khedija qui nous fait le plaisir de discuter cette séance. Du coup, Célia et Karima, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente Cilia Zemouche. Moi, c'est Karima Ben Ali. On fait toutes les deux parties de l'association Renaissance des Grous, qui est une association de locataires. Il faut parler lentement, c'est vrai. C'est une association de locataires et on est accompagné par Maxime, qui fait partie de l'association Appui. Donc, en fait, nous, on habite une cité qui se trouve à Fresnes. Fresnes, c'est une ville située au sud de Paris, qui est très connue pour sa prison notamment. et qui est situé proche d'Orly et du marché international de Rungis. Donc, c'est une petite cité de 200 logements qui a été construite dans les années 60. En fait, ce sont des logements sociaux. Elle a été construite par le département de la Seine, qui est devenu ensuite ville de Paris. En fait, c'était à la base une cité de transit, donc ce n'était pas voué à durer. En fait, sauf que le bâti est de bonne qualité et du coup, ça fait 60 ans que c'est 55-60 ans que c'est encore habitable. Mais quand même, le bâti a vieilli parce qu'il n'a pas été bien entretenu. Les espaces extérieurs se sont dégradés également. La qualité de cette cité, c'est que c'est une cité à taille humaine. Il n'y a que 200 logements, il y a 5 immeubles et qu'il y a un grand espace de verdure au centre de la cité, au cœur de la cité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain a été racheté en 2014 par Valefis Habitat. Un an après, on nous a annoncé lors d'une réunion publique la démolition de notre lieu d'habitation. À savoir, donc, petite précision, l'ancien maire de Fresnes était aussi président de Valofis Habitat. Donc en 2017, il y a eu un changement de municipalité suite à la loi sur le non-cumul des mandats. Voilà. En fait, l'annonce de la démolition a été très brutale parce que personne s'y attendait. Les gens sont très attachés à ce quartier et du coup, tout le monde était un peu choqué. On se demande s'il n'y a pas des intérêts derrière cette opération, puisque, comme le disait Cilia, l'ancien maire de Fresnes, qui était au pouvoir à l'époque, était ex-président de Valofis. Donc, on se pose plein de questions par rapport à ça. Et du coup, l'annonce de la démolition a été très mal reçue par les locataires. Suite à ça, ce qu'on a pu mettre en place, c'est que du coup, il y a eu la création de Renaissance des groupes par les habitants du quartier et dans le but d'accompagner les locataires et puis de surtout comprendre un petit peu et d'avancer sur le projet, puisqu'aujourd'hui, voilà, ce qui se passe, c'est que grosso modo, en fait, on va démolir nos lieux d'habitation. Comment, pourquoi et puis comment rebondir après cette annonce? C'est un quartier qui avait dans lequel il y a une vie de quartier très intense. Il y a beaucoup de solidarité et d'entraide, beaucoup de manifestations d'organiser régulièrement, des grandes fêtes notamment. Et du coup, c'est vrai que cette annonce a été choc et qu'il a fallu réagir en créant notamment l'association Renaissance des groupes. On a une habitante qui a fait appel à des médias pour en parler justement. Il y a eu un reportage sur France 24 qui a été diffusé et qui a eu un très bel impact. Où il y a un beau résumé de l'histoire des groupes. Ensuite, on a mené des actions avec Renaissance des groupes. On a mené des actions et avec l'aide d'appui surtout, puisque quand l'association a été créée, c'était une association essentiellement féminine, quasiment. Et du coup, on était un peu désemparés parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre, comment défendre les locataires et par quoi commencer. Donc du coup, on a eu la chance de tomber sur un habitant de Fresnes qui connaissait Appui, Pierre Ayout. Et du coup, c'est lui qui nous a fait rencontrer Appui. Et Appui est venu en aide à l'association Renaissance des groupes pour nous appuyer, nous épauler et peut-être un peu nous diriger et nous faire acquérir des compétences qu'on n'avait pas pour pouvoir se défendre et aller au bout de notre combat, en fait. Parmi les actions qui ont été menées, du coup, il y a eu pas mal de mobilisations dans le quartier. Il y a eu une pétition écrite et signée par environ 700 personnes. Il y a eu une mobilisation, une manifestation chez le bailleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où le bailleur a annoncé la démolition, accompagné de monsieur le maire, Et durant à peu près un an et demi, il n'y avait absolument aucun dialogue entre le bailleur et les habitants, ni aucun dialogue entre le bailleur et l'association Renaissance des Groux. Donc, malgré des demandes de renseignements sur le projet, l'avancée du projet, qu'est-ce qui allait être fait concrètement, etc., on n'avait absolument aucune réponse. Et on ne savait pas trop comment obtenir ces informations puisqu'ils refusaient de nous les communiquer. Donc, il a fallu un petit peu aller aux infos et pour se faire, essayer de se faire entendre et d'obtenir ces informations. Pour cela, on a fait des pétitions, on a fait de la mobilisation chez le bailleur et on a essayé par la suite de mettre en place une charte de relogement puisque les délogements commençaient à s'opérer petit à petit. Donc, on n'avait pas d'infos, on savait que le projet allait voir le jour. On ne savait pas ce qui allait être fait, mais en tout cas, on voyait que les logements se vidaient avec retrait des boîtes aux lettres, portes blindées aux portes et plus tard, fermeture complète de certains accès aux escaliers. Donc, il était urgent de protéger les locataires par une charte. Donc, on a négocié une charte de relogement et la négociation a duré plusieurs années. Il y a eu également un recours CADA pour obtenir des informations à la commission. Alors, aide-moi. Commission d'accès aux documents. D'accès aux documents administratifs. Voilà. Puisqu'on n'arrivait pas à avoir d'infos, on s'était dit que peut-être qu'en passant par eux, on obtiendrait plus d'infos, notamment sur… on a réussi à obtenir l'appel d'offres, ce genre de documents-là. On a eu pas mal de rendez-vous auprès de la mairie aussi, pour que la mairie prenne aussi position par rapport à la défense des locataires. Le maire avait changé, il y a une femme qui a été élue, pas élue, mais nommée, et du coup, on voulait connaître sa position et voulait qu'elle se prononce par rapport à ce projet et qu'elle soit là aux côtés des habitants. Et ensuite, il a été mis en place des permanences toutes les semaines pour accueillir les locataires et un peu prendre note des doléances, des inquiétudes et faire remonter tout ça et aux bailleurs et à la mairie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mené également des ateliers. Donc, le but de ces ateliers, bon, déjà, ils ont été… grosso modo, on a eu une semaine d'action donc avec une équipe d'architectes, des membres d'appui, également des membres de Renaissance des Groux qui ont été organisés. C'est des ateliers qui ont été ouverts à tous les locataires des Groux qui souhaitaient y participer. Et c'était donc une réflexion collective sur le devenir du quartier. Alors, l'objectif, il y avait des objectifs multiples. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le samedi, donc il y a eu une trentaine de personnes réunies autour d'un barbecue et d'animation. Le but de cet événement, c'était de fédérer les gens au projet, autour du projet et autour de la semaine qui allait commencer, la semaine d'action. Il fallait aussi, en fait, le seul document qu'on a eu de la part de Val-Office concernant le projet, c'était un dessin d'un plan masse qui a été diffusé lors de la réunion de l'annonce de la démolition. Et en fait, les ateliers ont aussi tourné autour de ce document et ont servi de support pour décrypter ce qu'était le projet de Val-Office, ce qu'était un plan masse, quel impact ça allait avoir sur la future résidence des Groux, et de réfléchir collectivement à ce que les habitants voulaient pour leur cité et qui s'impliquent dans l'action plutôt que de subir. Il fallait qu'ils agissent pour déterminer eux-mêmes ce dont ils avaient besoin pour leur cité. Et la question que soulevaient ces ateliers, c'est en fin de compte, comme l'a promis le maire lors de la démolition-reconstruction, ce qu'on ne vous a pas dit d'ailleurs, c'est que cette opération était voué En fait, il voulait que ce soit, comme c'était une promesse, hein, que les habitants puissent bénéficier de cette nouvelle résidence avec une opération tiroir, qui n'a pas lieu du coup. Mais ils avaient promis une opération tiroir en disant aux habitants, vous inquiétez pas, on va détruire, on va reconstruire, mais vous pourrez continuer à reloger dans votre résidence comme vous le souhaitiez. Et du coup, comme il y a eu cette promesse de rester dans la cité et que les gens avaient la volonté de rester dans cette cité parce qu'ils s'y sentaient bien, il était important que les gens s'y impliquent et s'impliquent dans le projet et que le projet parte d'eux et ne soit pas imposé d'en haut par le bailleur, en fait. Et l'intérêt de ces ateliers, c'était ça, c'était de se dire, bon, on va réfléchir ensemble, comment est-ce qu'on peut construire ensemble une cité qui répond à nos besoins. C'est bien ça. Elle a tout résumé. Donc voilà, on est parti de ce plan en masse. Et grosso modo, donc il y a eu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a eu tous ces petits ateliers, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ça s'est déroulé, ça s'est très très bien passé. On a réussi à mobiliser un certain nombre de personnes. Comme dirait la chanson. 67. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. 67, ouais. Voilà. Donc, on a mobilisé des jeunes et des moins jeunes et on a réussi à fédérer du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que de tous ces ateliers, il y a énormément de choses qui en sont sorties. On a réussi à faire donc des contre-projets et on a fait une restitution des ateliers. Donc, la restitution des ateliers, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été fait lors d'une grande réunion où a été conviée la société locative, tous les locataires, et également la municipalité. Et la presse. Également la presse. La restitution a été faite par les habitants qui avaient participé aux ateliers. Et en fait, les ateliers ont été vraiment force de motivation dans l'implication des habitants et dans l'espoir que ce projet aboutisse positivement pour les habitants et que ce ne soit pas un truc imposé, mais plutôt quelque chose de réfléchi avec et construit avec les habitants. Donc, la restitution, elle était très forte émotionnellement et très positive au niveau de la motivation des habitants et au niveau de l'envie de faire ensemble, quoi. Cette restitution a eu un impact énorme sur la prise en considération des attentes des habitants. C'est-à-dire qu'avant les ateliers et avant cette restitution, on n'avait pas de réponse à nos courriers, on n'avait aucune information. Ce qu'on disait, c'était même pas écouté, en fait. On avait le sentiment qu'on n'était pas pris en considération. On était traité plutôt avec mépris, ça c'était le sentiment général des habitants. Et c'est vrai que lors de ces ateliers, quand le diapo a été diffusé, quand les gens se sont exprimés sur ce qu'ils voulaient, et quand ils ont montré qu'ils maîtrisaient finalement le sujet, le plan masse, les termes techniques, le jargon, ce qu'on appellerait jargon avant justement d'avoir fait ces ateliers parce qu'on n'y connaissait absolument rien, on a senti que le regard du bailleur, de la mairie, changeait énormément. Et du coup, ça a été un vrai déclic pour la prise en considération des souhaits des habitants. Ça, c'était sur le moment. Après, on verra. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, après ces ateliers... le déclic, ça a été qu'on a demandé de fonctionner en comité tripartite avec la mairie et Val'Office. C'est vrai que le dialogue a commencé à se renouer avec Val'Office. Il y a eu une reconnaissance du travail accompli, de la qualité du travail également. Merci à Perrine Philippe et à Anaël Ploarec, qui étaient des architectes qui nous avaient aidés sur ce projet et qui ont vraiment fait un boulot de dingue. Et du coup, il y a eu une reconnaissance du travail accompli et une volonté de travailler en commun. Donc, on a demandé à ce que des réunions tripartites soient faites pour réfléchir ensemble à ce projet et pour essayer de faire ensemble ce futur quartier des groupes. Donc, depuis, c'est vrai qu'on a des réunions régulières avec la mairie et l'office. Il y a un premier plan masse qui a été présenté au mois de décembre. On a beaucoup critiqué parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de tout ce qu'on leur avait demandé. Mais il y a eu un rebondissement puisque la mairie a fait une modification du PLU. Et donc avec un abaissement des hauteurs, un retrait sur rue plus, par rapport à la rue plus important et une surface d'emprise. Une surface d'emprise au sol moindre. Du coup, le plan masse qu'ils avaient élaboré ne correspondait plus du tout. Et il y a un truc super important qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'en plus de démolir et de reconstruire, on passait de 200 logements à 290 logements, dont 90 en accession à la propriété. C'est quand même un point clé, parce qu'on multiplie la densité par 45%, et du coup, bah, avec cette modification du PLU, ça pose vraiment problème. Donc là, tout récemment, on nous a présenté un nouveau plan masse, qui ne correspond toujours pas à ce qu'on attendait. Donc, on est encore dans la réflexion, dans la critique et dans l'élaboration de ce futur quartier. Après, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ça avance doucement. Travailler avec les habitants en amont, c'est quand même plus judicieux. Ça évite toutes ces années de galère parce que nous, ça fait déjà, on est dans notre 6e année de lutte là. C'est extrêmement long, extrêmement fatigant et pénible pour les gens qui résident encore dans la cité et qui voient le quartier se dépeupler. Là, le quartier s'est vidé de moitié. Il n'y a plus que 100 logements occupés sur les 200. Donc, c'est très difficile mentalement, moralement. Il y a une certaine pression qui est opérée auprès des habitants pour le délogement. En fait, on essaye de les chasser, hein, clairement. Donc, on a eu pas mal de retours de locataires qui sont à bout parce qu'on leur met la pression pour qu'ils dégagent. On leur propose des logements qui ne respectent pas la charte qui a été signée et établie par le bailleur. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait dire des ateliers, notamment, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un budget attribué aux locataires pour pouvoir faire une contre-expertise ou élaborer un projet, parce que ça manque, en fait. On peut critiquer le plan masse et tout ce qui a été élaboré, mais si on ne propose rien à côté, en fait, voilà, ça reste de la critique et ce n'est pas constructif. Et si on veut défendre quelque chose, il faut déjà le créer. Et pour le créer, il faut des moyens. Et en fait, ça manque énormément. Nous, on a la chance d'avoir fait les ateliers parce qu'il y avait un financeur derrière. Donc, voilà, ça manque énormément. Et puis après, la grande question, c'est en fait pour qui sont faits ces logements ? Parce qu'on nous dit que c'est pour les locataires, qu'on va y rester, etc. Et en fait, on se le demande vraiment. On se dit qu'ils cherchent juste à nous chasser et à se débarrasser de nous. Il faut savoir que la population ici est très pauvre. On est en dessous du PLAI et qu'on a le sentiment qu'en fait, ils veulent juste nous chasser et faire venir des gens qui ont des moyens plus élevés. Il y a 90 logements en accession à la propriété. Il faut avoir un certain revenu pour y accéder quand même. Et on sait très bien que ces logements-là, par exemple, les gens qui habitent ici, il y en a très, très peu qui pourront y accéder. Et du coup, voilà. Et puis après, c'est la question de est-ce que c'est social ? On se dit logement social. Est-ce que c'est vraiment social de dégager les gens comme ça du jour au lendemain ? Ça fait 50 ans qu'ils habitent ici. Et voilà, on a décidé de détruire, vous partez, quoi. Donc moi, c'est ma conclusion. En fait, toi, je ne sais pas. Je partage également le sentiment de Karima. Hein. C'est vrai que ça, c'est un combat qu'on mène déjà depuis un certain nombre d'années. aujourd'hui, effectivement, on se demande pour qui et comment ça va être fait, puisqu'initialement, le projet, c'était construire ensemble. On avait une opération tiroir qui nous permettait de rester sur site. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Initialement, on avait réussi un peu à mobiliser les gens. Aujourd'hui, pareil, ça reste très compliqué, au-delà des conditions sanitaires qui rendent notre boulot un peu plus difficile. Aujourd'hui, voilà, on se demande comment on va fédérer les gens, puisque eux-mêmes se rendent compte qu'il est compliqué de s'impliquer parce qu'on est un peu mis à l'écart. Comment s'impliquer, pourquoi une réhabilitation était possible, puis maintenant on nous dit que ça ne l'est pas du tout et que les conditions ne sont pas réunies pour. Plus ce serait trop compliqué pour les locataires actuels de subir une réhabilitation aussi forte. Donc là, pourquoi, pour qui et comment faire? Donc, c'est des questions qui sont toujours en cours. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présentation qui était super claire. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir pour approfondir et discuter un peu plus là des dernières questions que vous avez soulevées. Je propose maintenant à David Bodinier du coup d'intervenir et de nous présenter le cas de la Villeneuve. Partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous pouvez voir l'écran, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon, d'accord. Donc juste. Alors, je vais vous présenter donc différentes étapes de la co-construction à la Villeneuve de Grenoble. Et comme c'est aujourd'hui le 18 mars 2021, je rends un hommage aux 150 ans de la Commune de Paris, dans lequel évidemment on s'inscrit avec beaucoup d'événements qui ont lieu dans toute la France. La présentation, elle va être en 5 points. D'abord, je vais parler de mon positionnement, de la problématique, notre approche méthodologique, une hypothèse et quelques définitions. Puis j'aborderai ensuite la présentation du contexte de notre expérience avec l'élaboration laborieuse d'un projet de rénovation urbaine à la Villeneuve entre 2003 et 2010. Puis j'aborderai l'émergence de l'atelier populaire d'urbanisme, différentes expériences de co-construction et de transformation du projet urbain entre 2012 et 2016. Puis enfin, deux aspects, un aspect plus conflictuel autour d'un projet de démolition du 20 Galeries de l'Arlequin, qui nous a amené du coup à mener différents dispositifs d'interpellation citoyenne et un référendum d'initiative citoyenne et une expérience de réappropriation de l'espace public et de co-construction d'un lieu de bien-être et projet de transformation du lac de la Villeneuve. Donc au niveau de mon positionnement, d'où je parle, j'ai découvert moi la recherche action à Marseille en 2003, il y a maintenant 18 ans. J'ai à cette époque-là beaucoup été inspiré par les récits de vie, les enquêtes conscientisantes et les expérimentations sociales. Mais du coup, j'ai un positionnement qui est subjectif et situé, qui ne prétend ni être celui des habitants, ni le résultat d'une analyse scientifique. C'est plutôt celui du fondateur et salarié de l'association Next Planning. Ma problématique et celle de l'association, c'est alors que la production urbaine à l'ère néolibérale favorise les intérêts des classes moyennes et aisées au détriment des classes populaires, comment réorienter cette tendance pour créer des villes justes, écologiques, qui réalisent les droits humains, dont le droit à la ville? Pour essayer de répondre à cette problématique, notre hypothèse, c'est que les méthodes du community organizing et de l'advocacy planning permettent de développer le pouvoir d'agir, réduire les asymétries de pouvoir et renforcer les capacités des habitants à intervenir dans les processus de co-construction et de coproduction urbaine pour créer une ville plus juste, écologique et mettre en œuvre les droits humains dans la ville, dont le droit à la ville. Donc, au niveau de de la co-construction. Je distinguerai la co-construction et la coproduction. Notamment, la coproduction nous semble être vraiment un transfert de responsabilité vis-à-vis des personnes mobilisées, alors que la co-construction, c'est élaborer ensemble avec une pluralité d'acteurs sans forcément résoudre les asymétries entre cette pluralité d'acteurs. Dans cette présentation, je vais m'intéresser principalement aux interactions entre habitants et institutions publiques, même si on a aussi d'autres interactions plus avec la recherche, mais ce sera principalement la co-construction entre habitants et institutions publiques. David, juste, est-ce que tu peux parler un peu plus doucement pour la traduction, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci. Donc, je vais présenter un petit peu le contexte de la Villeneuve. Donc, la Villeneuve de Grenoble, c'est un grand ensemble et une ville nouvelle qui a été créée donc en 65 à la suite de l'élection d'Hubert Dubedoux et des groupes d'action municipale qui ont généré des commissions Villeneuve. Donc, la Villeneuve elle-même est déjà le résultat d'un urbanisme participatif qui a abouti à la création de ce grand ensemble dit de seconde génération, où s'est développé un certain nombre d'expérimentations sociales tout au long des années 70, avec énormément d'expériences autour de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'habitat. En 83, cet ensemble a été marqué par l'élection d'un maire, Alain Carignon, qui défendait plutôt une ligne néolibérale, qui a provoqué un certain nombre de réductions de budget, notamment des équipements sociaux, éducatifs et culturels, qui ont abouti à la fin des années 80 à classer le quartier dans avec les périmètres DSQ, le dispositif DSQ, développement social des quartiers, et engager les premières réhabilitations. La présentation va aborder plus à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en 2003, il y a eu l'élaboration d'un schéma directeur des quartiers sud par un urbaniste qui s'appelle Yves Lyon, et donc un premier projet de rénovation urbaine en 2008 qui a été signé, puis en 2010 qui a été fortement marqué par trois jours de révolte urbaine et le fameux discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que beaucoup de personnes des fois connaissent ce quartier, qui a assez secoué en fait le projet de rénovation urbaine, en particulier aboutissant au départ de les architectes Lacaton et Vassal. En 2012, on crée l'atelier populaire d'urbanisme, et donc un projet urbain alternatif qui, à partir de l'élection notamment d'Éric Piolle en 2014, aboutit à un processus de co-construction du projet de rénovation urbaine, mais qui sera marqué par une nouvelle étape de projet de démolition de logements sociaux, un rejet de la convention ANRU, jusqu'à que le projet de l'ANRU 2 soit signé enfin en 2019, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais présenter plutôt ce qui est dans le rond, donc de 2003 à aujourd'hui. Donc, la Villeneuve, c'est 4000 logements, 12 000 habitants, 52% de logements privés, 48% de logements sociaux, qui fait partie du projet d'origine de transformation des rapports sociaux avec un habitat qui qui correspondent à plusieurs classes sociales, un parc de 14 hectares au cœur du quartier avec un lac, deux centres de santé, deux centres sociaux, une maison de l'image. L'ensemble sur la carte des bâtiments en jaune sont des équipements sociaux, éducatifs et culturels, donc un quartier extrêmement bien équipé pour essayer de résoudre les problèmes de pauvreté, d'inégalité, notamment au niveau économique, mais également de santé, qui sont encore aujourd'hui importants. Ce quartier est marqué par un secteur associatif et politique très actif et beaucoup d'équipements scolaires et éducatifs, de collèges, 6 écoles, de crèches. Ce quartier fait partie d'un ensemble à Grenoble, des quartiers sud, et donc il a une autre partie qui est située sur la ville des Chirolles. Donc il y a la Villeneuve de Grenoble et la Villeneuve des Chirolles qui a été construite à la même époque. Je rentre un peu dans le projet urbain en 2003, comment il a été élaboré par l'urbaniste Yves Lyon, qui a élaboré un schéma directeur des quartiers sud Et avec un processus finalement d'urbanisme assez classique et une concertation classique et réglementaire, sans véritable volonté de co-construction ni de coproduction urbaine. Dans ce projet, dans lequel la Villeneuve, le périmètre de la Villeneuve est intégré, il est défini principalement à partir des enjeux fonciers métropolitains de production de l'habitat et de développement économique dans une conception assez classique d'attractivité territoriale à l'ère néolibérale, donc avec des enjeux principalement de profiter du foncier disponible situé à cet endroit-là avec tous les bâtiments en rouge qui constituent des opportunités foncières. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le projet de restructuration urbaine de la Villeneuve, qui est d'abord de revaloriser l'ensemble du parc foncier qui entoure la Villeneuve, et le projet de rénovation urbaine étant un projet visant à permettre, en fait, à rendre possible le projet urbain dans son ensemble. Donc, à partir de 2008, Yves Lyon imagine donc un projet de restructuration urbaine avec un projet de rénovation urbaine autour d'opérations de démolition de logements sociaux, en particulier dans le quartier de l'Arlequin, une politique de peuplement visant à modifier la sociologie de la Villeneuve, avec des résidentialisations des immeubles, des réhabilitations thermiques et des interventions sur l'espace public. Autant ce projet dans ses grands axes c'était celui-là, autant les études de transformation de l'Arlequin, de l'habitat, de réhabilitation de l'Arlequin ont été confiées aux architectes Lacaton et Vassal, qui, contre toute attente, refusent en fait le projet de démolition à la Villeneuve, qui propose plutôt de prendre soin des habitants et de l'architecture, de réhabiliter en ajoutant des espaces supplémentaires, de réutiliser les espaces pour consolider et faire émerger de nouveaux usages, avec notamment la prise en compte des enjeux environnementaux. Je précise que Lacaton et Vassal ont reçu il y a quelques jours le Pritzker Prize, la plus grande et prestigieuse prix qui correspond un peu à un prix Nobel d'architecture, notamment pour leur slogan, il s'agit de ne jamais démolir, et il y a 10 ans ils faisaient ce projet pour la Villeneuve, qui malheureusement, avec le tournant sécuritaire de l'été 2010 dans le quartier, leurs options ont été refusées par la ville de Grenoble et l'État à cette époque, qui, après un incident qui aboutit un adulte du quartier qui a été tué par la police, a abouti à 3 jours de révolte urbaine et des interventions des forces spéciales avec un tournant sécuritaire et de discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Donc le projet de rénovation urbaine, à partir de ce moment-là, s'est beaucoup durci, on va dire. Les habitants, malgré tout, ont fait un certain nombre de propositions autour d'un livre blanc avec la création de Villeneuve Debout, qui porte ce nom que les associations et les habitants resteraient debout malgré ces politiques de répression. C'est là qu'émerge finalement l'atelier populaire d'urbanisme avec les expériences de co-construction que je vais vous présenter. Donc l'atelier populaire d'urbanisme émerge d'habitants qui souhaitent construire une alternative en fait au projet de démolition et au projet autoritaire qui s'impose à la Villeneuve au cours de ces années, en bâtissant en fait une alternative à travers des ateliers participatifs co-construits. Des interpellations, en particulier l'interpellation de la ministre du Logement, et là au milieu, il y a André Béranger qui est décédé il y a peu de temps et à qui je rends aujourd'hui hommage, et l'élaboration donc d'un projet urbain alternatif autour de 5 axes, l'habitat, l'éducation, la gouvernance, l'environnement et l'économie, pour élargir finalement les enjeux du projet de rénovation urbaine au-delà des enjeux uniquement de démolition, et prenant en compte des enjeux correspondant à la vie quotidienne des habitants. Finalement, c'est l'élection municipale de 2014 qui va faire une grande opportunité, puisque cette élection est marquée par une nouvelle coalition qui gagne la ville de Grenoble, menée par Éric Piolle et un rassemblement d'écologistes, de partis de gauche et de citoyens. Et le projet urbain pour la Villeneuve est beaucoup repris en fait, le projet urbain alternatif repris dans le programme de Derrick Piolle, également les principes de co-construction et un certain nombre d'orientations développées par l'atelier populaire d'urbanisme. Donc en 2015 se met en place en fait une semaine de co-construction du projet urbain qui est co-construite avec la ville, les services et l'atelier populaire d'urbanisme, où pendant une semaine on élabore le nouveau projet urbain autour du coup d'expérimentation avec des ateliers par exemple en miroir où on a une double animation d'une part par les techniciens mais également par l'atelier populaire d'urbanisme. Donc là on retrouve vraiment le projet des méthodes de l'advocacy planning qui vise à faire émerger aux côtés de la planification urbaine plutôt classique une planification urbaine au service des habitants, quitte à introduire un pluralisme dans la planification qui introduit également beaucoup de complexité. Ça aboutit également à un changement de la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte urbaniste Yves Lyon est remercié, et c'est une équipe pluridisciplinaire qui a accueilli, dans laquelle l'atelier populaire d'urbanisme souhaite la bienvenue, qui est élue l'équipe passager des villes. Tout ça aboutit à la création d'un nouvelle version du projet urbain où des projets contestés sont abandonnés, des projets portés par l'APU sont intégrés dans le projet urbain. On voit bien avec le zoom sur les 8 axes de développement qu'aujourd'hui le projet urbain c'est plus seulement l'habitat mais également l'aménagement des espaces publics, les équipements, l'activité économique, la proximité, l'emploi, l'éducation, l'innovation. Donc beaucoup de champs qui rentrent dans le projet urbain alors qu'il était uniquement un projet centré sur l'habitat et en particulier sur les démolitions. Malgré tout, des négociations sont menées entre la ville de Grenoble et la métropole et l'Agence nationale de la rénovation urbaine entre 2017, 2018 et 2019, où ces négociations sont opaques, très peu de documents, peu de traces, encore moins de comptes rendus. Et ces négociations, en fait, aboutissent à une modification du projet qui avait été co-construit, puisque on rentre dans une nouvelle phase de conflit avec un projet de démolition qui tombe du ciel, en tout cas qui est imposé par l'Agence nationale de rénovation urbaine et du coup accepté par la ville de Grenoble au détriment du processus de co-construction. Lorsqu'est présenté ce projet de démolition du vin, évidemment, l'atelier populaire d'urbanisme et les habitants mobilisés refusent ce projet de démolition, en premier lieu avec les habitants, le comité de locataires, des résidents arlequins et des habitants qui refusent en fait de discuter une charte de relogement puisqu'ils veulent la réhabilitation de leur immeuble. On rentre alors dans une phase de contestation de ce projet de démolition avec des actions en bas de l'immeuble là, du 10 et 20 Galerie de l'Arlequin que vous voyez en fond et des actions dans l'espace public pour mobiliser les habitants face à ce projet de démolition imposé. Donc ces manifestations ne suffisent pas et on décide en 2018 de se saisir du dispositif d'interpellation citoyenne qui est mis en place au cours de ces années par la ville de Grenoble, qui consiste à réunir 2000 signatures permettant d'ouvrir un débat au conseil municipal et un référendum d'initiative citoyenne si le débat n'est pas tranché au conseil municipal. Donc on réunit 2000 signatures en quelques semaines, mais malheureusement le dispositif est annulé par l'administration. Donc on aura un débat, mais pas de référendum et on décide alors d'organiser nous-mêmes le référendum d'initiative citoyenne, dit RIC Arlequin, au cours de l'année 2019, qui permet à 526 votants de voter pour ou contre la démolition de logements sociaux à l'Arlequin, et 70% des personnes s'expriment contre les démolitions de logements sociaux. Malgré tout, la ville de Grenoble et l'ANRU maintiennent leur projet de démolition jusqu'à aujourd'hui. Ces actions lors des dernières élections municipales, on a mené encore des actions de plaidoyer, un peu comme en 2014, pour poursuivre en fait et que les programmes politiques intègrent les propositions portées par les habitants et les associations, notamment à travers l'agenda municipal du droit à la ville. Après, du coup, ces différentes étapes, je voulais terminer par une expérience du coup, de réappropriation de l'espace public et de co-construction d'un lieu de bien-être, puisque au cours de toutes ces années, notamment depuis 2013, on s'est intéressé au parc de la Villeneuve, et en particulier à un espace autour d'un petit lac qui existe au milieu du parc, pour renforcer des usages sur les abords du lac, mener des actions culturelles, éducatives et sportives sur l'espace public et réfléchir à l'adaptation de la ville au changement climatique, en particulier pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc, on a eu un certain nombre en fait, d'actions de co-construction réunissant des habitants, des associations, les services de la ville, de la métropole pour construire ce lieu de bien-être entre 2018 et 2020. Et donc, on a élaboré plusieurs scénarios pour cette piscine, donc une ancienne piscine désaffectée qu'on souhaite transformer en lieu de bien-être. Et ce projet est aujourd'hui intégré dans le programme municipal d'Éric Piolle pour son second mandat, avec, on voit bien dans sa communication, que cet espace de baignade et de on va dire de espace une ville-parc, comme ils l'appellent, solidaire et citoyenne, est intégrée complètement aujourd'hui dans leur programme, et ce lieu de bien-être se fera. Donc, c'était pour donner aussi un exemple de co-construction d'une partie du projet de rénovation urbaine, même s'il y a également beaucoup d'autres aspects qui pourraient être décrits. Les perspectives, c'est la création d'un éco-quartier populaire, donc là, à la fois avec cette dimension normative de l'éco-quartier, mais également sa dimension populaire, puisqu'on souhaite défendre le maintien en fait de l'habitat populaire du quartier ou de la Villeneuve. Et d'ailleurs, on organise le samedi 3 avril de 10h à 12h une séance de l'Université populaire sur l'éco-quartier. Juste quelques réflexions pour terminer. D'une part, la co-construction et la production urbaine à la Villeneuve s'inscrivent dans une très longue durée, dans un héritage local fort, puisqu'on voit que c'est déjà la Villeneuve et le résultat d'une co-construction et d'action d'urbanisme participatif avec les commissions Villeneuve, que les expérimentations sociales et les approches méthodologiques, le community organizing, l'advocacy planning, créent des apprentissages sociaux qui permettent aux habitants de mieux défendre leurs intérêts dans la production urbaine, que les processus de co-construction et de coproduction urbaine sont entravés par l'opacité des négociations entre les collectivités locales et d'autres acteurs, dans lesquels nous n'avons jamais eu accès à ces discussions, que les élections municipales sont des temps propices pour intégrer des propositions des habitants et des associations dans les projets urbains et de mener des actions de plaidoyer, et enfin que les méthodes de l'advocacy planning permettent d'introduire du pluralisme dans les processus de planification urbaine pour construire une ville plus juste et écologique. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très dense et qui rentre dans le timing parfaitement. Du coup, j'ai vu qu'il y a déjà des questions qui ont été posées. Je vous propose de les prendre après la discussion de Khedija. Et du coup, Khedija, je te passe la main pour interroger, questionner et réfléchir sur ces deux présentations. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de discuter, comme on dit. Bon, non, mais je vais partager peut-être deux, trois réflexions, peut-être faire ressortir deux, trois éléments un peu croisés sur les deux expériences, actions, je ne sais pas trop comment les décrire, et expérience de co-construction, action de co-construction, et puis peut-être terminer par... quelques questions, je ne sais pas si elles font écho à celles posées par tous les autres présents, mais voilà, si on peut ensuite regrouper, pourquoi pas. Donc peut-être moi je commencerai bien par rappeler que les dispositifs participatifs officiels existent dans les projets de rénovation urbaine. En fait, finalement, on en parle peu. Et j'ai l'impression que ça fait partie un peu presque des impensés à partir du moment où on est dans des processus participatifs j'aimerais qualifier ce soir d'alternatifs, puisque c'est un peu le thème de la session. Donc, les dispositifs participatifs officiels existent, mais on a fait le constat depuis, on fait le constat depuis longtemps qu'ils se suffisent pas. C'est gentil de dire ça. On peut plutôt dire qu'ils sont mal faits. Déjà, au début des années 2000, avec l'arrivée de ces projets de rénovation urbaine un peu partout en France, d'un plan national, etc., Marion Carrel, qui a beaucoup travaillé sur la question de la politique de la ville et les questions de concertation, de mobilisation un peu citoyenne dans les quartiers de la politique de la ville, parlait de concertation alibi. Et finalement, on peut se dire que ça a peu évolué. Moi, je pense que c'est important de poser ce cadre. On a un cadre officiel institutionnel dont on peut largement poser une critique assez acerbe. Et de l'autre côté, on a tous ces mouvements citoyens, toutes ces coopérations entre la société civile, des universitaires, des tiers médiateurs, etc., qui finalement viennent, j'allais dire, presque proposer une autre offre. Enfin, ça s'institutionnalise tellement, non pas au sens politique, mais au sens où ça se développe quand même assez massivement, que quelque part, potentiellement, on est un peu dans une offre parallèle. Et c'est un peu une première, c'est une interrogation en fait que je pose là collectivement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est entre ces deux espaces, l'un institutionnel, l'autre non institutionnel, informel au départ, mais on le voit bien avec les deux présentations ces dispositifs plutôt informels finissent quelque part par rencontrer l'espace institutionnel et par fabriquer une concertation officielle particulière. Bon, voilà, pour moi, il y a quelque chose à interroger de ce côté-là. Dans les deux cas présentés ce soir, ce qu'on voit, il me semble, c'est la construction d'un cadre favorable à la co-construction d'alternatives, mais on voit bien comment ça demande, d'abord ça part des habitants, voilà, dans les deux cas on le voit, ça part vraiment des habitants, et ensuite on voit à quel point ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande une démultiplication des énergies, des espaces de discussion, des espaces de co-construction, des formats, la construction d'espaces de dialogue avec les autorités publiques, etc., etc. Bon, voilà, on voit à quel point c'est. Je trouve que les deux mêmes PowerPoint montrent bien. Tout ce que ça requiert, j'allais dire, comme ressources. Et donc ça part bien des habitants, et je trouvais intéressante l'expression de Karima qui dit, elle ne l'a pas dit exactement comme ça, mais je le dis à ma manière, mais en gros, c'est quand même plus judicieux de partir des habitants. Et je trouve cette remarque qui a l'air comme ça légère, mais quelque part ça renvoie un peu à la question, le terme n'est pas super, mais bon, de l'efficacité, de la faisabilité. Les dispositifs participatifs officiels montrent bien leurs limites. Et là, dans cette expression qui a l'air comme ça, légère entre guillemets, on voit bien, c'est plus judicieux de partir des habitants. Donc dans les deux cas, on voit aussi comment, dans le même temps que monte une mobilisation citoyenne, avec tout le travail de fédération en continu des habitants, essayer d'avoir une parole collective. Les référendums sont des moments de constitution, de reconstitution des collectifs habitants. Donc on voit bien qu'en même temps que monte cette mobilisation citoyenne, se fabriquent aussi des compétences, des apprentissages sociaux, pour reprendre l'expression de David. Donc on voit lire des plans, organiser des réunions, travailler sur une charte, prendre la parole en public, etc., etc., etc. Et finalement, ça rejoint ma remarque préalable, tout ça, ce à quoi les dispositifs institutionnels ne s'intéressent pas. Voilà, tout ça, en fait, on ne le retrouve jamais dans les dispositifs participatifs institutionnels. Ça pose question. En fait, on ne travaille pas la même chose. Ça paraît peut-être banal de dire ça un peu, mais bon, quand on fait un peu l'accumulation comme ça des objets qui sont travaillés d'un côté par la participation officielle institutionnelle et de l'autre par la participation citoyenne non officielle, on n'est pas sur les mêmes objets. Bon, ça, voilà, ça pose question. Pour autant, dans les deux cas, au Grou et à la Villeneuve, finissent, voilà, on a un espace de dialogue entre les habitants et les autorités publiques à la fin. Même si on comprend au Grou que, bon, on est un peu dans l'attente. À la Villeneuve, le dialogue a l'air plus opérant, j'ai envie de dire. Mais au Grou, on est un peu voilà, dans l'attente de savoir si véritablement... le cadre favorable aujourd'hui à une co-construction presque avec l'institution, on pourrait le dire comme ça, voilà, on est un peu dans l'attente. Ce qu'on voit aussi, je trouve, qu'on voit bien à la Villeneuve, c'est le travail entre contestation-opposition d'un côté et essayer de se mettre autour de la table pour dialoguer avec les instances publiques. Voilà, je trouvais qu'on voyait, voilà, on ressentait bien cette, pas forcément cette dualité, mais cette double compétence à acquérir et ce double travail à opérer. D'un côté, maintenir quelque part une contestation, une opposition, et dans le même temps, à certains moments, à certains endroits, et dans le même temps, rester dans le jeu des négociations avec les autorités publiques. Et ça, je trouve que ça ressort vraiment bien voilà, dans le cas de la Villeneuve. Et enfin, peut-être dernier point, on voit bien comment ces processus longs qui partent donc du bas, enfin, ce que ces processus longs, pardon, qui partent du bas, fabriquent aux représentations. Le passage de pas pris en considération, Karima dit même être traité par mépris. Bon, on voit bien la Villeneuve, pareil. Au départ, on sent bien, voilà, tout le passage par le tout sécuritaire, les photos là, qui, voilà, on se projette bien, on voit bien le peu d'écoute, etc., etc. Donc là, on voit, voilà, la ce que ça peut, ces processus longs vont fabriquer voilà, aux représentations. Alors, ce qui ressort, c'est plutôt les représentations que les autorités se font des habitants. Et là, j'ai une autre interrogation. Finalement, est-ce que les représentations que les habitants, les collectifs d'habitants, etc., se font des autorités publiques bougent ? Ou pas. Voilà, c'est une question que je me pose. On parle plutôt des représentations dans l'autre sens, comme si, et là je trouve que c'est intéressant parce que quelque part on pourrait dire qu'inconsciemment c'est aux habitants de faire le travail et que le travail est réussi puisque les représentations que se font les autorités publiques ont changé, ont bougé. Et je trouve que ça dit sur quelque part je trouve plus le terme exact, mais bon, voilà. Donc, ça pose la question quelque part presque de la réciprocité dans ce travail autour des représentations. Est-ce que, voilà, c'est une question que je pose à David, enfin aux trois intervenants. Est-ce que les représentations que vous faisiez, que vous faites des autorités publiques évoluent parce que voilà, aujourd'hui vous êtes plutôt en discussion qu'en confrontation opposition. Voilà, alors j'avais après peut-être des questions qui sont plus qui sont plus générales entre guillemets. Prenez celles que vous voulez, moi c'est plutôt des questions que je me pose. Donc sur peut-être le lien, David, tu as dit oui, je ne vais pas traiter du lien avec les universitaires. Tu l'as fait volontairement et du côté des groupes, bon, par, voilà, les universitaires n'ont pas été évoqués. Bon, le séminaire et la recherche Copolis portent enfin, notamment sur les co-constructions entre sociétés civiles intermédiaires universitaires, pour le dire avec mes termes. Et donc là, on se dit, bon, où sont les universitaires? Voilà, c'est peut-être donc un peu une troisième question que je vous pose. Donc, la première, c'est l'articulation avec les dispositifs participatifs institutionnels officiels. La deuxième, c'est l'histoire des représentations, des changements de représentation, voilà, dans l'autre sens, on va dire, vous, à l'égard des autorités publiques. Ensuite, quelle action de co-construction ou comment les universitaires ont pu servir à un moment donné à un endroit à la co-construction. Et puis, bon, j'ai trop de questions, je termine par une peut-être, ça fait beaucoup. La question du contexte actuel, voilà, qu'est-ce que ça fabrique ou pas à la co-construction? Est-ce que c'est venu la modifier de façon assez fondamentale dans vos façons de travailler avec les différents acteurs de la co-construction? Est-ce que ça vient freiner? Est-ce qu'au contraire, on trouve des ressources quelque part qu'on ne trouvait pas? Est-ce que c'est un contexte qui est favorable pour X raisons? Voilà, parce que peut-être on est... C'est une hypothèse que je fais un peu bisounours. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte favorable, très humaniste parce qu'on est tous concernés par un destin commun, etc. Bon, voilà, pour aller très, très loin. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ce contexte et de quel ordre et de quelle nature ça pourrait être? Je m'arrête là, je pense que c'est déjà beaucoup de questions. Merci beaucoup, Khedija. Je vous propose déjà aux trois intervenantes et intervenants de répondre déjà à cette série de questions. Vous choisissez celle à laquelle vous voulez répondre et puis ensuite on prendra les questions qu'il y a dans la conversation. Vous voulez commencer, Sylvia et Karima? Je pars sur la question, est-ce que les représentations des institutions changent au cours de la mobilisation? Pour nous, oui, ça a changé, ça a même beaucoup changé, puisque comme on l'a précisé lors de la présentation, ce qui s'est passé, c'est que rien qu'au niveau de la municipalité, donc la première municipalité qui était en place, l'ancien maire, du moins, était également président de Val-Office. Donc, il était et maire de notre commune et du coup, il dirigeait donc la société qui a racheté le terrain dans l'objectif de démolir et construire, donc démolir 200 logements pour en construire 290. Donc, comme a précisé Karima, pendant un certain nombre d'années, la communication était quasi coupée, très peu de communication, c'est-à-dire qu'on nous annonce une démolition et puis plus rien, plus de communication, des habitants inquiets, sans information. Suite à ça, et à la loi sur le cumul des mandats, donc il a démissionné de son poste et la maire actuelle a été nommée. Donc effectivement, ça a quand même pas mal changé de ce côté-là. Après, je ne sais pas si tu as un âge. Mais est-ce que toi, la manière dont tu... Pardon. Bonjour. La manière dont tu perçois les institutions au début et aujourd'hui, au-delà des personnes, elle a changé? Moi, ma réponse, elle est claire. Pour moi, ça n'a pas changé. Ils font de la politique et ils font semblant de se soucier du sort des gens, mais c'est tout. Voilà, c'est clair. C'est dit. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient changé de façon de procéder. Ils se disent à nos côtés, mais on se sent. Moi, je n'ai pas le sentiment d'être vraiment soutenue, en fait. Enfin, pour le moment, jusqu'à présent, ils sont là, mais ils sont plus là en spectateur. Voilà. quand il faut se mobiliser ou quand il faut faire des démarches, j'ai pas l'impression qu'ils se bougent beaucoup et on attend plus d'eux. Donc, pour moi, la représentation n'a pas du tout changé. Hein. Ils sont là au moment des élections et puis basta, quoi. Voilà. David, tu veux répondre ? Ouais, alors sur la représentation des institutions, la particularité en fait du cadre Villeneuve, c'est que dans la création de l'atelier populaire d'urbanisme en 2012, en fait, a contribué à la transformation sociopolitique à Grenoble. Et du coup, en fait, il y a une partie du changement municipal, pas seulement, hein, c'est une partie modeste, mais c'est une partie quand même, de la transformation des élus, en fait, vient aussi du mouvement. Donc, on est dans un cas où les mouvements sociaux participent à la transformation politique du pouvoir municipal et donc se retrouvent avec des interlocuteurs qui, finalement, ont une certaine proximité et qui a permis peut-être d'aller plus loin que dans certaines situations où on est avec des acteurs qui font des concessions sur certains points mais ne changent pas fondamentalement. Là, il y a un changement du pouvoir politique qui se crée et qui se double d'ailleurs d'un changement de la maîtrise d'œuvre, donc des professionnels en charge de l'urbanisme au cours du projet, ce qui amène en fait à une modification du projet urbain relativement importante. Sur la place des universitaires, j'ai volontairement pas choisi de mettre l'accent là-dessus parce que ça aurait été une autre présentation complète parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on va dire que, pour vraiment faire très court là-dessus, au départ, quand les habitants créent l'atelier populaire d'urbanisme, c'est d'abord vers les universitaires qu'ils se tournent. Et en fait, ils n'ont pas de réponse. Alors que la Villeneuve est entourée, en fait, et même l'école d'architecture de Grenoble est même intégrée à la Villeneuve, fait partie du choix depuis le départ, que les professionnels de l'urbanisme, de l'architecture, de l'aménagement soient aux côtés des habitants dans une réflexion politique des années 70. Et malgré tout, lorsque les habitants de la Villeneuve ont eu besoin des chercheurs, en tout cas quand ils les sont sollicités, au départ, ils n'ont pas eu de réponse. Et donc, il a fallu, donc c'est là où s'est créé finalement une alternative avec l'association Planning, donc je représente. Et finalement, on a fait le choix d'aller faire un peu de l'immersion dans les universités pour voir comment on allait faire quand même des liens avec les universitaires, urbanistes, architectes, géographes, sociologues, dans les universités. Et donc, il y a eu des liens qui ont été créés, notamment un séminaire en 2014 sur le renforcement des liens entre la Villeneuve et les universités. Et donc, petit à petit, il y a eu des étudiants, des chercheurs, des projets qui ont été menés en commun avec l'Atelier populaire d'urbanisme. Et depuis 6 ou 7 ans maintenant, depuis 2014, c'est un axe qui est un axe intégré même au projet urbain et aux pratiques quotidiennes, puisqu'on a même des étudiants qui finissent par habiter à la Villeneuve et devenir eux-mêmes habitants, etc. Donc, des choses assez, assez intéressantes, mais du coup, qui pourront faire l'objet d'une réflexion spécifique là-dessus dans le cadre des recherches avec Copolis. Et enfin, peut-être pour terminer sur le contexte, aujourd'hui, contexte actuel, le contexte actuel, il est que ces grandes opérations en fait, de rénovation urbaine finalement ont beaucoup de mal en fait, à prendre en compte les crises. Elles sont peu agiles au niveau de la prise en compte en fait, de l'évolution des contextes, alors qu'on voit bien que même là, en 15 ans, de projet urbain, il y a eu plusieurs crises qui se sont succédées et donc une difficulté très importante du projet urbain à prendre en compte en fait ces crises et tout ce que génèrent ces crises, des crises qui peuvent être sécuritaires, des crises qui peuvent être sanitaires, des crises économiques comme il y a eu en 2008. Et donc dans la situation actuelle, moi, j'ai moins une réponse bisounours. Je trouve que l'urbanisme est reste très rigide, alors que on a des années et des années de recherche qui, et dont l'idée même de projet urbain nous a pourtant nous conseille, en tout cas essaye de former des professionnels à être plus adaptés au contexte et à faire évoluer le projet au fur et à mesure. Et finalement, peut-être que l'approche d'interpellation basée sur les habitants, etc., permet de mieux prendre en compte les évolutions, puisque les habitants, les associations étant plus, on va dire, impactés directement par les crises, eux-mêmes peuvent plus faire émerger les besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui. On pense par exemple aux enjeux de santé qui deviennent complètement fondamentaux pour les prochaines années. J'en profite pour re-questionner Karima et Cilia à la question sur les liens aussi que vous avez entretenus avec les institutions et les espaces participatifs plus institutionnels. Est-ce qu'il y avait des espaces participatifs institutionnels? Et si oui, est-ce que vous y avez participé? Et si non, pourquoi vous n'y avez pas participé? Et voilà. Alors, en fait, les dispositifs institutionnels qui ont été mis en place, c'est une concertation qui a été organisée par Val'Office, qui a eu lieu sur 3 jours, enfin 3 actions. C'était en pleine semaine et en pleine journée. Donc, moi, personnellement, je n'y ai pas assisté puisque je travaille. Très peu de gens y ont assisté puisque ça ne correspondait pas du tout aux disponibilités des habitants. Donc, il y a eu, entre autres, une visite d'un quartier qui venait d'être construit. Je crois qu'il y a eu 3 participants à cette visite. Et ce dispositif, c'était la concertation dans sa globalité. Donc c'était plus de l'information qu'une vraie concertation habitante, en fait. Le terme concertation n'était pas approprié. Ensuite, quand il y a eu une enquête publique qui a été faite avec un cahier des charges à remplir après présentation du projet, en fait, il n'y a pas du tout eu, comment dire, il y a eu des panneaux d'affichage d'installer, mais personne pour expliquer et décrypter les panneaux. Nous, dans la cité, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire ou qui ne maîtrisent pas très bien le français pour s'exprimer. Donc, le cahier des charges à remplir, c'est compliqué si personne n'est là pour prendre des notes. Décrypter les panneaux et les plans, c'est compliqué pour les gens qui ne savent pas lire. Et en fait, Val'Office a mis en place ces panneaux, mais elle n'a pas mis en place l'accompagnement à la compréhension des panneaux et également un écrivain pour prendre note des remarques sur le cahier des charges. Donc, en fait, le travail était à moitié fait. Et ça a servi de concertation préalable à la création de ZAC. OK. Et du coup, à ce moment-là, c'est Renaissance Zégou avec appui qui se sont mobilisés et qui ont participé à l'enquête publique, dans le sens où, du coup, moi, en tant qu'appui, je suis urbaniste. Bonjour, Maxime. Et j'ai servi d'écrivain public, en fait, dans la cité, pour à la fois expliquer et reprendre la vie des gens dans ce cahier de doléances. Et c'est comme ça qu'on a obtenu une 40aine de personnes qui ont participé à l'enquête publique issue du quartier. Donc, à ce moment-là, il devait y avoir entre 120 et 130 personnes. Ensuite, on a pu, parce que le dialogue avait repris, avoir accès à ce qu'on appelle le bilan de concertation. Et on s'est rendu compte que sur les avis déposés dans ces cahiers de doléances, tous les avis des voisins propriétaires étaient pris en compte, notamment sur la hauteur des bâtiments, sur des craintes qui étaient légitimes vu d'où ils parlaient en tout cas, mais que ce qui ressortait des habitants et de leur attachement au quartier notamment n'était absolument pas pris en compte. Donc on a participé à des, dis- Enfin, le premier dont tu parlais, qui était un des ateliers, la personne qui a participé et l'association Renaissance Zéro s'y est pas impliquée. Le deuxième, on s'est dit, on joue quand même le jeu, on y va. Et au final, on a l'impression, enfin, on s'est un peu foutu de notre gueule. C'est ça. Donc, voilà. Mais il a, le dispositif a... Pour ces réponses. Ah, pardon. Le dispositif institutionnel a existé, mais du coup, c'était juste de l'information ou alors c'était très mal fait, quoi. En fait, c'était pas du tout abordable pour les habitants. Vas-y, Romain. Non, mais bien. Dans le cadre Grenoble, l'atelier populaire d'urbanisme, les participants, les habitants, de manière générale, en fait, ont toujours cherché à participer aux espaces de concertation institutionnelle ou de construction institutionnelle. Donc, il y a eu tout le temps, en fait, une volonté de participer, mais également d'avoir les propres espaces de co-construction et de participation. Donc, en fait, là, on est dans un cas qui est peut-être le résultat de l'approche de l'advocacy planning, en fait, de pouvoir duel. On a une double planification, on a une double, capacité avec des techniciens qui, de la participation qui, en fait, double le pouvoir de concertation officielle par une concertation, une co-construction autonome. Indépendante. Et l'idée derrière, c'est que le résultat de ces, c'est la multiplication et ce pluralisme dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, cette idée-là d'avoir plusieurs espaces, une pluralité d'espaces, permet de produire en fait une ville qui corresponde à un plus grand nombre de groupes sociaux. Alors, il y a une question notamment, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui participent dans, par exemple, le projet de contestation du vin Galerie d'Arlequin sur le chat, là, ou de la piscine ? Pas tout le temps. Il y a des recoupements, mais c'est pas systématiquement en fait les mêmes personnes. Il y a des personnes qui participent par un intérêt personnel lié à une question spécifique. Par exemple, contre la démolition du vin Galerie l'Arlequin, c'était principalement des habitants du vin Galerie l'Arlequin, et d'autres qui étaient d'autres parties du quartier ont moins contribué à ces espaces-là, et d'autres sont plus sur un lieu de bien-être. Donc ça dépend en fait des centres d'intérêt que les personnes ont, mais en tout cas, il y a toujours une volonté d'essayer de ne pas être caricatural dans les espaces d'un côté de contestation alternatif et les espaces de co-construction de façon étanche. On a toujours cherché à avoir en fait des circulations entre ces deux espaces, même si finalement les invitations qui étaient faites aux techniciens de venir ou aux élus dans les espaces alternatifs sont beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire qu'il y a plutôt des tendances à que les techniciens, les élus refusent d'aller dans les espaces qui ont des capacités autonomes des processus de co-construction. Et ça nous a toujours posé problème parce qu'il s'est créé des représentations sur notamment ces espaces autonomes comme étant des espaces uniquement de certaines positions, alors que ces espaces ont toujours eu également en leur sein, il y a une pluralité d'habitants, il y a une pluralité de positions chez les habitants, et donc ces espaces sont aussi un espace de négociation interne aux habitants, y compris en prenant en compte les enjeux de classe, de genre ou d'origine, puisque tous ces enjeux traversent également les espaces de participation, qu'ils soient officiels ou alternatifs. Mais merci beaucoup pour ces réponses. Alors, il y a un très grand nombre, enfin, il y a plusieurs questions dans le chat. Vous y avez répondu parfois en partie. Je vais me permettre du coup de les lire si ça vous convient. Et comme ça, vous pourrez y répondre. Donc, il y a Alain Arnaud qui posait la question de savoir si la maîtrise d'ouvrage était elle aussi partagée, tout comme la maîtrise d'œuvre, et je pense qu'il fait référence au cas de Villeneuve. Et du coup, il interroge ensuite de savoir quelle est la valeur d'une co-construction si la maîtrise d'ouvrage n'est pas partagée avec la collectivité de la ville. David, tu veux répondre là-dessus parce que je crois que ça s'adressait surtout à toi dans ce cas-là. D'accord. En fait, la maîtrise d'ouvrage, elle n'a jamais été partagée. Les élus ont toujours été et les services ont gardé en fait leur espace. Il y a eu un moment donné où il y a eu une tentative de co-maîtrise d'ouvrage autour de la semaine de co-construction, mais c'était un petit peu en fait l'euphorie de la nouveauté de l'équipe menée par Éric Piolle et que les services en fait ne savaient pas comment faire parce qu'ils tâtonnaient et donc ils ont ouvert en fait un certain nombre d'espaces qui étaient. On était presque dans des situations de co-maîtrise d'ouvrage, mais finalement, assez rapidement, quand ils se sont rendus compte qu'avec les négociations avec l'ANRU allaient être très délicates, finalement, ils ont refermé aussi vite ces espaces. Alors, est-ce qu'on peut parler de co-construction s'il n'y a pas de co-maîtrise, d'une co-maîtrise d'ouvrage? Peut-être que oui. À partir du moment où il y a suffisamment de capacité dans les autres formes de planification urbaine qui se développent. Et s'il y a des capacités autonomes de produire sous d'autres manières que la ville, que la planification publique. Il y a également d'autres types de capacité de créer des espaces et de produire la ville autrement que simplement par la planification urbaine qu'on connaît tous publique. Et donc, peut-être ces autres formes peuvent aboutir en fait à des formes de co-construction. Mais bon, d'autres peuvent dire oui, mais c'est un collage. Finalement, vous juxtaposez plus que vous co-construisez réellement. C'est au débat, à ouvrir et à analyser plus. Renaissance Desgroux, est-ce que vous voulez répondre sur cette question de la co-maîtrise d'ouvrage? Parce que il me semble que vous aviez été intégré au comité de pilotage du projet urbain. On a été intégré au comité de pilotage un peu au forceps et aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qu'on pilote en fait. Du coup c'est un peu compliqué de dire qu'on est co-maîtrise d'ouvrage. On a pu écrire un cahier des charges en commun pour une mission de concertation, mais dont on perd petit à petit la main. C'est compliqué de parler de co-maîtrise d'ouvrage. Au final, on nous fait quand même bien ressentir qu'on n'est pas sur un même pied d'égalité dans les réunions. On nous consulte, mais on n'a pas de voix décisive, en fait. Ok. Je continue dans le tour des questions. Donc, on avait une question de Claire Bénic-Bafou qui rejoint un peu et complète une des questions soulevées par Khedija et qui interroge de savoir si les espaces de participation institutionnelle et les espaces alternatifs se parlent. Est-ce qu'il n'est pas possible pour les seconds d'investir les premiers? Et est-ce que les groupes qui participent à l'un et à l'autre ne sont jamais séquents? Sont-ils ennemis ou simplement s'ignorent-ils complètement? Finalement, vous avez déjà un peu répondu à cette question. Donc, c'était au moins pour dire que je l'avais lu. Je continue, on avait encore de nouveau une question de Alain Arnaud qui interroge de savoir si la délégation des élus sur leurs services techniques n'est-elle pas un facteur de blocage d'une réelle co-construction avec les citoyens. Donc, le fait que ce soit les services techniques qui finalement gèrent la concertation, est-ce que ce n'est pas un problème pour vous, Renaissance Desgroux? Est-ce que vous dialoguez plus avec les services techniques ou plus avec les élus? Autant dire que c'est plus avec les élus, puisque la communication chez nous, elle est extrêmement compliquée. elle est très très compliquée. Elle est... En soi, voilà, comme le dit Karima, c'est vrai que la mairie ne se positionne pas réellement, ils font plus de la politique. Alors, c'est vrai que le dialogue est là, puisqu'on fait des choses en réunion tripartite, donc il y a quand même un minimum de dialogue. Mais derrière ça, il y a pas, il y a, on le sent, hein, c'est un enjeu politique, donc on ne connaît pas trop leur position et comment ça va se passer. Donc voilà, là, c'est vrai qu'on a effectivement une communication avec certains élus. Et après, avec. Bien, allez, parce que pour répondre aussi un petit peu à la question de Caio Santo Amore, après, du coup, il y a vraiment deux acteurs auxquels on fait face, il y a la mairie et le bailleur. Donc, c'est le bailleur qui est propriétaire du grand ensemble de la cité. Et la mairie est là avec un pouvoir politique. Dans le cas de la mairie, en fait, on a affaire quasiment que aux élus, les services brillent plutôt par leur absence. Et dans le cas des bailleurs, par contre, c'est un bailleur public, mais les élus, on ne les a jamais vus. Et on n'a affaire qu'à leur service technique. Donc là, c'est l'inverse. Et je pense que c'est aussi un truc qui est important à noter, parce qu'en fait, il y a des intérêts qui sont normalement... c'est un organisme public, en tout cas, auquel on a affaire avec le bailleur social. Et leurs élus répondent complètement absents. Donc, il y a des pouvoirs politiques qui se dédouanent complètement de ça. Et après, est-ce que ça permet ou ça empêche la concertation de risque de décevoir? J'avoue, je ne me suis jamais vraiment posé la question, du coup, parce que c'était un truc qui était presque quasiment intégré dans le fonctionnement au groupe, que le bailleur, on a affaire aux services techniques. Ça, ça empêche un peu, parce que souvent, quand on a des revendications, des choses à remettre en question, on nous répond que... que les personnes qu'on a en face de nous ne sont pas à même de répondre, en fait. Donc, je pense que si on avait les élus en face, ils nous donneraient les réponses tout de suite. Et souvent, on remet à plus tard les réponses à ces questions qu'on n'obtient jamais, en fait. Donc, moi, je pense que ça freine. Après, je ne sais pas. OK. Et du côté de Grenoble ? Côté de Grenoble, en fait, pour commencer, je dirais que tout finit par se régler aux élections. Et que, donc au final, le projet de Villeneuve dans son ensemble, en fait, il est très impacté en fait, par les changements municipaux et les élections municipales, notamment parce qu'on est dans une ville qui a une orientation municipaliste très forte depuis 65. Et donc, finalement, les transformations du pouvoir municipal est l'enjeu majeur, en fait. Et la Villeneuve joue un rôle fort, en fait, là-dessus. Donc, les élections sont un moment très fort, en fait, où finalement, les techniciens ne sont pas présents. Et donc là, l'enjeu se joue autour de ces séances. Et les élections, ce n'est pas juste le moment du vote. C'est la campagne qui commence très tôt, un an avant, et qui se termine sur les 6 mois, un an, qui poursuivent sur les engagements des élus. Donc, c'est au moins 2 ans sur les 6. Et il y a un savoir-faire qui existe localement sur la capacité à mener des actions de plaidoyer vis-à-vis des élections municipales qui se développent. Alors ça, c'est une faille en fait dans le pouvoir des techniciens, parce que par ailleurs, les techniciens ont un pouvoir très fort, mais à ce moment-là, ils ne l'ont plus, et c'est au niveau politique que ça se joue. Le reste du temps, les techniciens reprennent un peu leur capacité et leur pouvoir dans la maîtrise des projets et leur influence, toujours un peu sous supervision évidemment des élus, mais c'est vrai qu'ils ont un pouvoir très fort et qui se renforce encore plus avec la métropolisation, avec le fait qu'aujourd'hui, une partie des équipes ne sont plus municipales, mais métropolitaines, et donc encore moins soumises, on va dire, au contrôle municipal, politique municipale. Et donc, il y a un jeu là qui se joue et des modifications qui sont assez fortes et sensibles depuis la loi de métropole en 2015, où Grenoble-Alpes-Métropole est devenue une aire métropolitaine. Donc, c'est un jeu, évidemment, à trois, habitants, associations, et ville, technicien, métropole. Et il me semble que dans ce jeu-là, la place des chercheurs est intéressante à poser, en particulier puisque dans l'ère métropolitaine, en fait, les classes de chercheurs sont dans des positions assez dominantes au niveau métropolitain, en tout cas pour une ville comme Grenoble. Et donc, par exemple, les personnes qui travaillent qui sont des chercheurs dans le domaine de l'urbanisme, de la géographie ou des sciences politiques, ont en fait des influences politiques fortes au-delà même de leur recherche. Leur place dans la ville et du coup leurs positions sont importantes pour le pouvoir métropolitain. Alors là, à mon avis, il y a quelque chose à analyser aussi du côté de la place des chercheurs et justement comment faire en sorte que les chercheurs soient aux côtés des habitants et des mouvements d'habitants pour renforcer le pouvoir plutôt des habitants plutôt que celui de l'élite urbaine au pouvoir. Je continue sur les questions. Il y a une question qui s'adressait plutôt au groupe et qui demandait, mais elle est valable finalement pour les deux cas. Est-ce que vous avez l'impression qu'après vos mobilisations, les collectivités font différemment de la concertation et intègrent plus les habitants, ou finalement vos cas restent assez singuliers? Bah, autant dire que pour nous, ça va. C'est un peu des deux, c'est mitigé. Ils font différemment. On a eu des réunions tripartites qui nous ont démontré. Ils nous ont consultés pour le choix du bureau d'études. Bon, il y a eu quand même une avancée. Après, est-ce qu'ils nous caressent ou clairement? Bien sûr. Mais est-ce qu'ils le font pour d'autres projets urbains, à part vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont vraiment changé leur manière de faire? Alors, on sait qu'à Trappes, par exemple, ce qui s'est produit à Fresnes, au groupe, a eu des conséquences sur Trappes, qui avait un projet aussi d'évolution. Et oui, ils ont amélioré leur manière d'agir. Après, sur la durée, il n'y a pas assez de recul pour répondre à cette question, en fait. Les sentiments qui nous caressent. Après, je ne sais pas, Maxime, tu as peut-être des choses à rajouter, mais oui, il y a eu un mieux. Ils ont essayé de nous intégrer à la concertation. On n'a pas suffisamment de recul pour savoir si c'est une vraie concertation ou si c'est de l'esbrouf et pour faire semblant. Oui, ça, c'est au niveau du bailleur. Et moi, je vois aussi au niveau de la mairie où il y a d'autres quartiers qui subissent aussi des projets de démolition ou des projets urbains, du moins, qui sont imposés généralement par un même bailleur. Et la mairie, par contre, sollicite Renaissance des Grous pour faire le taf et former d'autres amicales de locataires dans d'autres quartiers. C'est un truc quand même assez récurrent là, de la mairie aujourd'hui. Du coup, il y a une forme de reconnaissance de la mairie de faites le taf qu'on ne peut pas faire parce qu'on est une mairie et qu'en même temps, ce n'est pas non plus à vous de le faire. En plus, vous êtes payé. Ça rejoint un peu une question aussi qui a été mise après. On parlait d'abuser de la disponibilité des associations. Là, on est aussi dans un cas où la mairie de Fresnes, à mon sens, abuse souvent de la disponibilité aussi des assos locales. Donc, il y a un changement quand même là-dessus, favorisé par le changement de municipalité. Mais aujourd'hui, la mairie aussi... prend en compte, mais aussi qu'il reste dans le sens du poil, dans le sens où ils veulent quand même aussi vous avoir avec vous. Je pense qu'il y a un intérêt politique à ça. David, tu veux répondre sur Grenoble. Est-ce que ça a changé les modalités de fonctionnement de la municipalité ou des autres communes qui sont à côté, d'ailleurs? Moi, je pense pas fondamentalement. Je pense que les savoir-faire des techniciens, des élus, des techniciens d'abord, en fait, n'a pas beaucoup changé. Et par rapport à ce que disait ces doubles compétences en fait que Mamou relevait, Karidija, pardon, excuse-moi, relevait dans en discutant en fait l'expérience, à la fois sur l'organisation de mobilisation, à la fois d'espace de co-construction, etc. Ils sont loin en fait d'être dans ce type de capacité, même de savoir-faire en fait professionnel qui s'exerce, c'est ce qui se développe en fait, hein, qu'on retrouve dans d'autres organisations, et du coup ils n'ont pas du tout d'approche de qu'est-ce que, en tout cas à Grenoble, qu'est-ce que veut dire des processus qui créent de nouveaux apprentissages sociaux permettant aux habitants de pouvoir faire face aux problèmes du quotidien d'une part, mais surtout aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense en particulier aux défis du changement climatique où l'impact en fait des transformations va amener de toute façon à devoir que les populations trouvent des formes d'adaptation à ce qui arrive et du coup de pouvoir bon, tout ce que de la littérature un peu appelle sur ces histoires de résilience quoi et là en fait ils sont pas du tout là-dessus, ils sont vraiment voire même très très loin de saisir que ces formes de mobilisation créer des capacités au sein de la population qui sont certainement des capacités nécessaires pour faire face aux défis. Voilà. Et la Villeneuve est un peu le résultat de ça, c'est-à-dire de capacités qui se sont transmises au fil du temps à travers ces expérimentations sociales. Ça a créé au sein de la population des capacités où un certain nombre d'habitants, mais qui finalement se diffusent de voisin par voisin, on peut dire, au sein d'un nombre relativement important de personnes. Pour donner des ordres de grandeur, l'atelier populaire d'urbanisme, c'est entre 500 et 1000 personnes qui, au cours des dernières années, ont différentes, qui ont été à un moment donné ou à un autre partie prenante de ces processus. Donc, on n'est pas sur 12 000 personnes, évidemment, sur la majorité de la population, mais on est dans des niveaux assez relativement quand même significatifs. Le RIC, par exemple, c'était 25% des habitants de l'Arlequin qui ont voté. Et donc, voilà. Nous, on pense que la diffusion de ces savoirs-là et de la co-construction, puisqu'on nous-mêmes, on apprend beaucoup, hein, c'est un peu une diffusion qui viendrait d'en haut, ils sont vraiment co-construits, ces savoirs. Ils sont extrêmement, extrêmement nécessaires aujourd'hui. Mais les techniciens, on n'a pas l'impression du tout qu'ils saisissent en fait ces enjeux-là pour l'instant. Peut-être qu'ils y réfléchissent et qu'on aura des super projets qui vont arriver dans les années qui viennent, qui s'inspireront de tout ce qui aura été réalisé. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup pour ces réponses. Il reste une question où vous avez pas, où Renaissance des Gros n'a pas tout à fait répondu. David, tu avais commencé à le faire. C'était une question de Sylvain pour savoir si la contestation et les phases de contestation et les phases de négociation étaient dans les mêmes temporalités ou pas. Et qui demandait également si c'était les mêmes personnes du coup, qui contestaient et ensuite qui allaient négocier. Alors sur la question, un peu long, mais est-ce que les phases de contestation et de négociation se font en même temps? Dans le cas des groupes, il y a eu quand même un truc un peu séquencé, dans le sens où il y a eu une phase où on annonce la démolition, et là on rentre dans un dialogue, à mon sens, un peu fake. On essaye de faire passer la charte de relogement très vite pour qu'ils acceptent le relogement, le projet urbain et avancer un peu en mode de bulldozer. Et là, du coup, l'association a dit non, a mis un peu son veto. Et du coup, il y a eu un moment de silence de 2 ans qui a conduit vraiment à une phase d'opposition. Qui a fini par une manif surprise au siège du bailleur avec des habitants et quelques élus. Et suite à ça, après, il y a une phase de négociation qui s'est ouverte. Mais du coup, il y a un peu un truc qui est séquencé là-dessus. Et c'est une fois qu'on a fini les négociations sur la charte de relogement, qu'on a entamé le travail sur le projet alternatif. Et c'est à l'issue de ce projet alternatif qu'on se met après autour de la table et qu'on reconnaît une forme de maîtrise d'usage, entre maîtrise d'usage et co-maîtrise d'ouvrage. On est un peu entre les deux, finalement abandonné la deuxième, au cours du temps. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Alors, côté Renaissance des Grous, appui, oui. côté institut, enfin, de l'autre côté, on n'est pas sur un projet dit en rue. Désolé pour les Brésiliens. C'est pas un projet d'un grand quartier comme la Villeneuve, où il y a 12 000 habitants. Ici, il y a 200 logements. Donc, en fait, le jeu d'acteurs est beaucoup plus réduit. On a les habitants et les associations, la mairie et le bailleur. Et du coup, même la mairie de Fresnes, c'est pas la mairie de Grenoble. Donc, il y a des jeux internes politiques et tout ça avec les services, mais ils sont moindres que sur une grande mairie. Et par contre, le bailleur, eux, ont toujours refusé. Enfin, ils ont essayé d'avoir qu'on ait différents interlocuteurs. Et pour revenir sur la question initiale, peut-être que si aujourd'hui, en fait, on a une étape un peu de. Il y a du en même temps, c'est qu'on est en opposition claire sur le relogement. Parce que pour la faire simple, des engagements ont été pris de la part du bailleur sur le relogement et ils ne sont pas respectés. Donc on est en opposition et on va en conflit en fait avec le bailleur pour qu'il respecte ses engagements, pour que tous les locataires aient droit à un bon relogement. Mais par contre, on est. Il y avait pour l'instant une négociation sur le projet urbain. Et le bailleur, en fait, nous force toujours, et on essaie de lutter contre ça, à diviser une partie projet urbain et une partie relogement. Alors que nous, pour nous, les deux sont liés et ils sont à traiter en même temps. Mais on voit bien qu'il y a un truc qui se fait en même temps et qu'on n'est pas tout à fait au même point dans les deux aujourd'hui. Et ça vient aussi du fait que dans les institutions et dans notre cas, le bailleur, eux se séparent et ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes non plus. Ils essayent de jouer là-dessus. Ça répond bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Super. Du coup, il y avait donc la question de Caillot a été Bonnel qui demandait comment on fait de la concertation lorsqu'il n'y a pas de budget pour animer des réunions avec des habitants ou les former. Et du coup, elle pose la question de vers qui se tourner sans abuser de la disponibilité des associations. Et peut-être que vous pouvez répondre très rapidement là-dessus. Et en même temps, je vais prendre également la dernière question avant de conclure. Comme ça, vous répondez rapidement là-dessus. C'est de savoir si c'est la question de 11 Dendani qui demande si, dans les deux cas, est-ce que vous remarquez une implication plus grande dès la part des habitants impliqués ou pas? Moi, je dirais que le processus en fait, d'implication, il est non linéaire, dans le sens que c'est pas une, il n'y a pas quelque chose qui serait exponentiel, on va dire, où on partirait d'une situation où il n'y aurait pas de mobilisation, ou très peu, puis beaucoup, puis de plus en plus, etc. On est vraiment plutôt sous une forme de vague, avec du coup une situation en fait plus qui monte, qui descend en fonction de ce qui est capable en fait d'être créé collectivement. Et par exemple des moments comme un atelier va réunir un petit peu de personnes, et puis à un moment donné un atelier de concertation officielle parce qu'il y a des enjeux encore plus de monde, et puis les enjeux deviennent publics, quoi, ça devient de plus en plus ça, et puis à un moment donné ça retombe, on est sur des phases où il y a moins de monde, il y a moins de, soit parce que l'enjeu a été résolu, soit parce qu'il a été intégré, soit parce qu'il s'est modifié, etc. Et alors là il y a un nouvel enjeu qui se cherche, qui se travaille, etc. et tout, et puis on est, il y a le référendum, alors ça monte, et puis il y a une mobilisation, etc. Donc on est sur les processus qui sont non linéaires, mais qui se développent avec des formes de haut et de bas. Alors au niveau des personnes, ce qui est intéressant de remarquer sur Villeneuve, c'est que en fait on a des personnes qui ont développé des capacités de mobilisation dans certains espaces et qui vont développer leur propre mobilisation dans d'autres espaces. Et ça c'est très clair avec cette articulation entre advocacy planning et community organizing et advocacy planning, où en fait on va avoir des personnes qui vont circuler, qui étaient d'abord dans les campagnes notamment portées par l'Alliance citoyenne sur des revendications autour de leurs conditions de vie ou de travail dans certains domaines, et puis qui vont se retrouver finalement à s'impliquer dans des groupes sur le logement et sur l'habitat ou sur la création d'un comité de locataires, etc. Donc on a une circulation assez forte en fait des personnes dans une pluralité d'espaces, pas seulement ceux qui sont aujourd'hui qui ont été créés par, dans le cadre du community organizing, l'Alliance citoyenne, dans le cadre de l'advocacy planning par l'Atelier populaire d'urbanisme, et finalement des groupes en fait qui se détachent d'une certaine manière, et c'est volontaire. On a toujours prôné l'autonomie et le développement du pouvoir d'agir, et du coup que les gens créent leur propre lieu. Et donc il y a une université populaire qui a surgi, il y a des collectifs de femmes qui se sont créés, etc. Donc il y a une diversité, puis il y a les nouveaux, il y a les gens qui arrivent au fil des années, etc. Donc c'est pas vraiment les mêmes personnes, mais il y a toujours des piliers et donc des formes de leadership et des gens comme par exemple André Béranger, malheureusement qui est décédé, qui ont traversé au cours des 10 dernières années tous ces espaces. Donc il y a, je dirais, les réponses c'est un peu les deux, il y a les mêmes personnes, mais il y en a aussi des nouvelles et des personnes qui vont dans d'autres lieux, mais ça a une influence en tout cas. On espère qu'elle soit bénéfique pour le bien commun. La première question, comment faire de la concertation lorsqu'on n'a pas de budget pour animer les réunions d'habitants ou les former ? C'était le cas, nous, au début, avant la rencontre avec Appui. Honnêtement, c'était que du système D qu'on faisait. Hein. Des impressions au boulot par certains locataires, pour tout ce qui est affichage, tract et compagnie. Les réunions, elles pouvaient se faire à l'extérieur si on n'avait pas de salle, des choses comme ça. C'était que du système D parce que de toute façon, on n'avait pas de ressources financières. Donc, voilà. La mairie, par contre, acceptait de nous faire quelques photocopies de temps en temps. Pareil, location matérielle du style Barnum pour l'extérieur, table mise à disposition ainsi que les chaises. Donc voilà, c'était du système D. On faisait des demandes un peu partout et puis il y a eu beaucoup d'entraide effectivement avec les locataires. Donc voilà, c'est comme ça qu'au départ on a commencé. Après, au niveau des habitants, pour les deux cas, même si c'est un peu tôt pour y répondre, est-ce que vous remarquez une implication plus grande de leur part ou est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qu'on voit impliquées ? Nous, clairement, ce sont toujours les mêmes personnes qui s'impliquent. Pour les ateliers, il y avait beaucoup plus de personnes mobilisées. parce qu'il y avait un intérêt, et puis parce que c'était la, enfin, l'attrait de construire ensemble un projet commun. Mais c'est vrai qu'après, en dehors de ces grandes, grandes manifestations, et, ce sont toujours les mêmes personnes qui s'impliquent et qui se mobilisent. Voilà. Peut-être noter quand même que dans le quartier, même avant que Appui arrive, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient. Il y a des associations qui étaient plutôt sur le champ socioculturel aussi, qui ont su s'organiser par eux-mêmes pendant beaucoup d'années face à l'abandon de toutes les politiques sociales, de tous les éducateurs qui sont petit à petit partis faute de subventions aux associations dans le quartier. Et du coup, il y a eu des associations qui ont fonctionné en système D pendant longtemps. Et en fait, ça partait pas de nulle part non plus, l'association Renaissance des Groux. Et du coup, il y a une capacité à s'auto-organiser. Et nous, en tant qu'extérieur d'appui, quand on est arrivé, c'est quelque chose qu'on a ressenti aussi. Et ça a facilité aussi la rencontre et l'organisation et la mobilisation des gens. Mais ça ne résout pas du tout le fait qu'on abuse complètement des associations, qu'elles soient locales ou, c'est ce qu'on disait en off. Karima, tu me disais, oui, on abuse de la disponibilité d'appui. Des fois, moi, je pense en tant qu'appui qu'on abuse de la disponibilité des habitants. Ça ne résout pas du tout cette question-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment... Enfin, moi, je ne sais pas comment faire. Bon, j'ai malheureusement le devoir de clore les discussions, même si Alain Arnaud vient de poser une question qui nous mène un peu sur le champ de bataille. Je pense que ça pourrait être très intéressant, mais ça sera pour un autre épisode, quoi. Je commence, avant de vous annoncer du coup quels sont les prochains épisodes de ce séminaire, remercier chaleureusement déjà Marie qui est la tenancière de ce salon Zoom et qui est au taquet tout le temps. Bien sûr, remercier les traducteurs et remercier surtout les intervenants pour ces présentations très très très riches. Merci Khalidja pour la discussion. Merci au public qui était au taquet. On était 75 à un moment donné, mais avec des questions vraiment très pertinentes et hyper intéressantes. Et nous espérons que ça puisse se reproduire. Donc déjà, on se voit le 13 avril pour une séance sur le mutilão au Brésil, à São Paulo notamment, avec des présentations de João Whittaker de l'Université de São Paulo et de Caio Santomor, qui est à la fois professeur à São Paulo, mais aussi très impliqué dans ce qu'on appelle une assessoria técnica, donc une sorte de bureau d'études citoyens au service des habitants des quartiers précaires et populaires. Et en mai, on va encore brouiller encore plus la traduction parce qu'on aura une séance en anglais traduite simultanément en français et en portugais avec des collègues de Londres, donc de l'université University College de Londres et la fédération de collectifs d'habitants Just Space qui vont nous présenter la manière dont les interactions entre habitants et université peuvent aider à penser le futur post-pandémie. Donc, apparemment, on vient nous annoncer pour les franciliens que le futur poste, que c'est pas pour tout de suite. Donc, je pense que ça, c'est le 11 mai. On aura beaucoup de choses à attendre de cette discussion. Bon, merci et au revoir.